T'étais où depuis tout à l'heure? Je te dis, t'étais où depuis tout à l'heure? Je dis que tu... Eh, hey, y a pas de bébé qui tienne là. Y a pas de bébé. Qu'est-ce que moi d'abord et après tout ce que tu veux? Mais c'est grâce à ma musique que je te paye tout ça. Et alors? So kind of an move for me, mamma l'amor. So kind of an move, yeah, gani, manulo kaman kara. So kind of an move for me, mamma l'amor. So kind of an move, yeah, gani, manulo kaman kara. Bay man mare, tenga maita de, kala tumma. Si vous saviez.